caminho não fará. Bebana o furu kono sutara bana o furu kelenya benimbana benkano nyon fo sheri sheri kan furu nyon fo kabari kada furu kunye jigi minye aha no jigi amina fara o kafo